Bonjour, bonjour les enfants, et bienvenue dans le monde merveilleux de Noël. J'espère que vous avez été sages cette année et que vous avez bien regardé les films de l'enfer. Pour cette émission spéciale fête de la nativité de fin d'année du petit Jésus, 2 heures de perdu vous propose ce soir un fabuleux conte de Noël. L'histoire d'un enfant timbré qui manque de tuer 2 pauvres types. Maman, j'ai raté l'avion. Pour vous raconter cette fabuleuse histoire, j'ai à mes côtés mes petits lutins. Ouais. Michael, bonsoir. Bonsoir Antoine, bonsoir à tous. Julie, bonsoir Julie. Bonsoir. Et Greg, non, pas Hadi du tout. Ho. Et enfin, Barbara. Oh, bonsoir. Je suis content parce qu'on a tous pris des risques pour Noël. Bien avoir la honte en écoutant ce truc. Cette semaine, on parle de Maman, j'ai raté l'avion. De Chris Columbus avec Michael Culkin, Joe Pesci, Daniel Stern, John Hurt, Catherine O'Hara. De 97 minutes, sorti en 1990. Et pour ceux qui ne se souviennent pas, ça ressemblait à ça. When the McAllister family left on their Christmas vacation, did we miss the flight? No, you just made it. Yeah! They forgot one small thing. Have yourself. I have a terrible feeling. Did you lock up? Let yeah. yourself be light. Do we set the timers on the lights? Mm-hmm. What else could we be forgetting? Our troubles will be ours. Kevin! Home alone. Police in the northern suburbs are on the lookout for a pair of burglars who are calling themselves the Wet Bandits. We know that you're in there. It's Santa Claus. Voilà, voilà, c'est l'histoire d'un fabuleux conte de fin d'année de... On peut pas dire le nom de la fête, hein, pour des raisons politiques, donc c'est un conte de fête de fin d'année. De la nativité. Voilà. Ah non, attendez, attends, dit ça. Comment ça fait que t'as pas trouvé la bande-annonce en français, Antoine? Parce qu'elle n'existe pas. Mais non. Bah si, bien sûr que si, elle existe, mais sur YouTube, et on ne trouve pas de putain de bande-annonce de films avant 1995, quoi. Tu vas même sur Allociné, ils ont une espèce de truc de merde qui attends, est pas, qui est pas la bande-annonce. Attends, n'insulte pas Allociné dès le début du podcast. Non, non, je respecte ouais, énormément Allociné. Et puis surtout, pour un épisode de Noël, est-ce qu'on peut faire un épisode, un podcast sans gros mots, pour une fois? Oui, bien sûr. Bah oui. Alors. est-ce que vous avez aimé Maman, j'ai raté l'avion. Ne commençons ni par Julie ni par Greg. Ça va être les deux opposés. J'aimerais qu'on les mette en plein milieu. Qu'est-ce que t'en as pensé, Barbara? Ben écoute, ce 25e visionnage de Maman, j'ai raté l'avion. Ben je trouve, ça faisait au moins 5 ans que j'avais pas vu. T'as dit aux gens que tu t'étais trompé et que t'avais regardé le début du 2. Ouais, j'ai fait une demi-heure du 2. En plus, c'est vicieux parce que tu peux le regarder jusqu'au bout sans te dire bah, je suis en train de regarder le mauvais film ouais, parce que tu regardes la même chose. Mais surtout que tu dois pas être très observatrice parce que je crois qu'il y a le titre au tout début du film. Ah, c'est souvent dans les films qu'ils mettent un titre, oui. C'est possible. Voilà, non, c'était dur. Michael. Bah écoute, maman, j'ai raté l'avion. Je crois que c'est surtout Chris Columbus qui a arrêté son film en fait. Oh, ouais, punchline de l'oeil. Tu vas nous l'énerver, hein. Tu vas nous l'énerver. Ah, tu devrais commenter le film. Bon, comme tout le monde, j'ai vu ce film 100 fois quand j'étais gamin. J'ai pas passé un si mauvais moment que ça, je l'avoue. Ça c'est solennel au moins. Ouais. Julie. Bah alors. Greg se prépare. Moi, j'adore ce film. Hein. Je l'ai dû le voir, je pense, plus de 200 fois. Non, peut-être pas 200 fois, mais j'adore. Je trouve ça trop bien. Et il faut savoir que pour l'enregistrement de ce podcast, je porte un pull Maman, j'ai raté l'avion. Je pense que les auditeurs l'ont vu déjà. Voilà. Non, non, j'adore. Je suis très, très fan et je m'en lasse pas parce que je trouve ça très, très drôle. Du coup, j'en profite pour dire que moi, je suis en slip. Greg, ouais, moi Greg, ça t'a plu? T'as bien aimé ce film pour enfants? Ouais, je l'avais bien aimé à l'époque. J'aime bien toute la partie où il combat les méchants, mais toute l'autre moitié, elle est bien, bien longue. Hein. C'était un peu chiant. Bah, j'étais un peu déçu. J'avais un meilleur souvenir, en fait, quoi. C'est-à-dire que j'avais 8 ans la dernière fois. Moi, je suis d'accord avec toi. Je pensais que quand il faisait tous les pièges des méchants, ça durait vraiment beaucoup plus longtemps. Ouais, moi aussi. Alors, moi, c'était l'essentiel du film. C'est juste un montage. Alors, personne ne me demande mon avis, mais je vais le donner. J'avais pas et donc, ça film... commence sur... J'avais pas vu ce film depuis, sans doute, mes 8 ans. J'adorais ce film, j'ai dû le voir 300 fois quand j'étais gosse. Bon, précise quand même aux auditeurs que t'as 10 ans et demi. Oui, c'était il y a 2 ans. Hein. J'adore ce film. Je l'ai revu, j'étais comme un dingue. J'adore tout dans ce film. La musique, elle est hallucinante. John Williams, il a fait 14 non, thèmes c'est trop bien. Pour trop un trop film. Cool. Et je, Michael Culkin, je le trouve... dingue, putain, il a 7 ou 8 ans, il joue dans le film, il a 10 ans. Il y a 10 ans. J'ai vérifié, je fais des petites recherches, il y a 10 ans. Il non, est vraiment non, moi, je suis pas je pense qu'il a 9 ans parce qu'il est né en 1980 et le film est sorti en 90 et à mon avis il a dû être tourné l'année avant. C'est... Alors il faut savoir à peu près 9-10 ans. En gros il a 9-10 ans et je déteste les gosses dans les films. Je déteste les gamins en général. De toute façon, ça m'agace. Mais putain il est dingue. Ouais. Franchement. Alors, juste pour la petite anecdote parce que moi aussi j'en ai une donc. Moi aussi. La mienne est mieux. Attendez. Je commence. Non s'il vous plaît. La tienne n'est pas forcément sérieuse. Surtout qu'elle a pas vraiment à faire direct avec le film. Moi, en fait, la petite anecdote, c'est que j'ai regardé le film avec Antoine, du coup, on l'a regardé ensemble. Il était avec un pyjama Spider-Man, et il a pas pu s'asseoir un seul instant tellement il était excité par le film. Il a regardé debout. D'ailleurs, je t'en veux, tu t'es assis sur mon cahier de coloriage. Une vraie anecdote. Ouais. Macaulay Culkin venait de jouer dans un autre film et Chris Columbus ne voulait pas le réutiliser et il a vu plein d'autres enfants dans les castings et en fait il s'est aperçu que c'était le meilleur donc il a été obligé de le prendre malgré le fait que ça puisse faire un redit. Et il y a l'enfant, vous savez, l'enfant chiant à un moment. Le petit voisin, et ben lui, il devait jouer normalement le personnage principal de Mitch Murphy, mais il s'appelle ce petit voisin. Il n'était pas aussi bon que Macaulay Culkin. Ah, donc, gloire c'est à super dur à dire son prénom. Oui, Macaulay Culkin. Macaulay Culkin, non, c'est vrai. Voilà. Ça a bien changé. Hein. C'est bien le gamin qui joue dans Black or White de Michael Jackson. Ouais. Exactement. Et qui joue aussi dans My Girl et qui, hélas, aujourd'hui ne joue plus dans grand chose. Il a joué dans Richie Rich aussi j'aime beaucoup. Ouais. Et aujourd'hui, il joue surtout à prendre de la cocaïne dans une caravane. Puisque il a une tête de drogué, quoi. Ah ouais, il est camé plus. Il avait été présenté. Ça sentait déjà un Richie Rich. Moi, j'ai vu dans ce film. C'est, je crois que c'est un des enfants, si ce n'est l'enfant, le acteur le mieux payé de l'histoire du cinéma. Oui. À savoir $350, hein, puisque c'est pas les mêmes cachets pour les petits. Très, très bien payé. Alors, qui raconte l'histoire de ce film, s'il vous plaît? On avance. Moi, je veux bien y aller. Donc, c'est l'histoire. Est-ce qu'on a donné notre accord, hein? Greg, débordé d'envie de raconter cette histoire. Peut-être que pour Noël, Mickaël peut essayer de raconter l'histoire. Vas-y, Mickaël. Bah, c'est simple. T'as 30 secondes. Surtout que celle-là, elle est vraiment facile à raconter, quoi. Oui, c'est les fêtes de Noël, hein. Il y a toute la famille. Ah, Noël. Les fêtes de fin d'année. C'est à 5 jours de la Saint-Sylvestre. Et toute la famille du petit Kevin, mais vraiment toute la famille, c'est-à-dire qu'il y a les oncles, les tantes, il y a tous les enfants, les cousins, les cousines, ils sont 64 dans la maison. Et ils s'apprêtent tous à prendre, déjà je sais pas comment ils ont pu avoir un billet d'avion en même temps, parce qu'ils sont quand même 65 à partir, déjà pour faire partir 3 personnes. 3 personnes en même temps, c'est impossible, c'est toute une famille, je comprends pas, enfin bref. Et du coup, ils s'apprêtent tous à partir. Tu devrais faire des chroniques radio. Quand tu pars tout seul comme ça, c'est vraiment passionnant. Et du coup, ils se foutent sur la pizza avant de partir. Vas-y Julie, reprends le flambeau parce que en fait non, le lendemain, Mickaël, le à chaque fois tu racontes la première scène quoi. Le lendemain ils vont partir prendre l'avion, il y a une coupure de courant. Ok, stop. Il y a une coupure de courant et du coup il se réveille pas, il loupe l'avion sauf le petit gamin qui reste tout seul chez lui. Non, il loupe pas l'avion. Non, il loupe pas l'avion. En gros. Bon, allez Julie, finis. T'as regardé le film. De toute façon, Julie va finir en deux phrases. Donc, en gros, c'est une famille qui part en vacances, mais le petit a été puni, donc on l'oublie en haut dans le grenier à cause de la coupure de courant qui fait que tout le monde se réveille à la bourre et manque de rater l'avion, mais la famille ne rate pas l'avion. Et en fait, le petit Kevin se retrouve tout seul chez lui. Vu que ses parents sont partis en France. En fait, pourquoi on raconte ce film? Tout le monde l'a vu. Oui, oui. Et il se retrouve face à face avec des cambrioleurs qui veulent dévaliser sa maison. Oh, c'est exactement ce que j'ai dit. Comment ils s'appellent, les cambrioleurs? Les casseurs flotteurs. Les wet bandits, exactement. Ouais. Pourquoi? Parce qu'ils inondent les appartements. Ouais, il laisse ouvert le robinet, ouais. C'est une putain de signature, c'est bien malin. Ouais, Et je me suis demandé, parce que j'ai pas fait de recherche. Vu qu'après on me dit que je sur les casseurs flotteurs, j'ai rien. Sur l'avion qu'ils prennent au début, c'est un Airbus. Les casseurs flotteurs, c'est un Boeing. Orelsan et Grinch, c'est des casseurs flotteurs. Ouais, c'est en référence. Ouais, en référence. Ils ont des grandes références. Bah, Grinch, c'est sans doute lié à Grinch, le méchant de Noël. Anecdote totalement fabulée. Le film s'ouvre donc sur cette grande maison où il y a effectivement 300 enfants. C'est pas du tout au début. Je dis, mais comment c'est possible déjà une maison aussi grande? Bah, en fait, moi je croyais que c'était un anniversaire au début. C'est un anniversaire d'enfants. Et qu'ils étaient au McDo. Alors, non, figure-toi que c'est un anniversaire, mais je ne peux pas dire de qui pour des raisons politiques. Mais c'est effectivement, en fait, un anniversaire. Je tiens à dire à Greg quand même, parce qu'on va s'expliquer après, j'ai déjà fait mon anniversaire au McDo et c'était très bien. Ouais, moi aussi je l'avais fait. C'était pour mes 24 ans. ouais, donc ils sont tous là, ça court dans tous les sens, mais il n'y a pas que les enfants et la famille, c'est-à-dire qu'il y a des gens, deux personnes qui restent à peu près 10 minutes dans la baraque, dans l'entrée, sans doute tout le monde. Un faux flic. Un faux flic et un livreur de pizza. Mais c'est-à-dire que tout le monde s'en fout. Déjà, on sait pas comment ils sont rentrés. Alors, il reste pas pendant une demi-heure, puisque, effectivement, le livreur de pizza reste une demi-heure, le faux flic, il reste 3 jours et demi. Il reste des putains d'heures et tout le monde s'en fout, quoi. Enfin, ils parlent jamais à la même personne et puis. Et surtout que tout le monde les envoie chier, quoi. Enfin, je veux dire, les enfants n'ont aucune éducation. Ça, il faut le dire. Quand t'es inconnu dans l'entrée, tu lui dis bonjour au moins. Mais... Ça, je l'ai noté. Je sais pas si c'est américain, mais ils sont vraiment très mal éduqués. Hein. Ah, ils sont vulgaires. Ouais. Ah, moi, je peux te dire que ça filait droit à la maison. Hein. Tu te comportes comme ça, tu vas mettre des orgnoles. Non, mais le môme, là, Kevin, bon, j'avoue, il ramasse bien, quoi. Kevin, il déguste. Hein. Kevin, finalement, c'est peut-être le mieux éduqué de tous. Hein. Bah, déjà, il dit chiant à sa mère, il a 10 ans, quoi. Il dit bonsoir, Kevin. Il dit bonsoir, Kevin. Il répète en plus. Putain, je peux te dire que là, moi, j'en prenais un aller-retour. Mon père, il appelait ça un aller-retour. Salade de doigts, paf. Moi, j'en aurais pris un pour taper sur l'autre. Et donc, c'est vrai qu'ils sont tous dans l'ultra-violence. Ils s'agressent tous. Et j'aime. Ils détestent Kevin. Putain, le pauvre Kevin. Il s'appelle Kevin. Déjà. Non, mais c'est ce que j'allais dire. Premier truc. Kevin, enfin, il s'en sort bien parce que logiquement, quand tu t'appelles Kevin, t'es un peu plus hyperactif que ça, un peu plus barjot. On t'a déjà mis sous Ritaline. Lui, ça va. Ça va. Lui, il s'en sort pas si mal pour un Kevin. C'est vrai, il faut bien le dire, quoi. Mais aux États-Unis, c'est peut-être pas pareil, les Kevin. Bon, en tout cas, toujours est-il qu'il mange, il mange, il mange, notamment par le petit roux, là. Le petit roux, là, il est fort. Moi, il s'est bien aimé, là. Mais il envoie chier tout le monde. Le gros, ouais, mais moi, le gros, franchement, au début du film, il se fait dominer. Ah ouais, ça, clairement, il y a deux mecs à la fin du film qui vont prendre pour tout le monde. Non, même sa petite sœur là qui est trop moche, elle fait tu fais partie de ce qu'on appelle les incompétents. Genre elle est horrible, elle est immonde, ils sont trop méchants. Le seul qui est pas méchant avec lui, c'est Fuller qui boit du Pepsi. Alors ce plan, ce plan, j'ai hurlé de rire, quoi. Mais alors, est-ce que vous voulez une anecdote sur ce plan, parce que dans le 2 du coup ils ont eu un contrat avec Coca en fait pour contrebalancer un petit peu la pub que ça avait fait à Pepsi. Et dans le 3, c'est un contrat avec Jack Daniel's. C'est hyper dur avec les enfants. Mais Macaulay Culkin a déjà 25 ans, c'est pour ça que. Alors, et l'anecdote, c'est que Fuller est joué par le frère de Macaulay Culkin. Ah bon? Ouais, il s'appelle Kieran Culkin. Kieran Culkin, alors là, c'est vraiment la. Notez bien. Le cousin, il s'appelle. C'est la famille des consonnes. Et le cousin, il s'appelle Rory Culkin aussi. Mais le petit frère, donc. T'as pas une blague, Michael, toi, rapidement avec Rory Culkin? Non, mais par contre, je peux proposer à Barbara de le dire très vite, indéfiniment. Allez, on t'écoute. Rory Culkin. Et d'ailleurs, donc, son vraiment frère, génial, Kieran Culkin, qu'on retrouve dans Scott Pilgrim versus The World. Je sais pas si vous avez vu ce film. C'est le colocataire homosexuel. Exactement. Et il est super cool. Il a du coup une meilleure carrière. Personnellement que... Il est super cool. Non, mais il est cool. Non, c'est un acteur cool qui joue bien. C'est quoi un acteur pas cool? Je vais pas le dire. J'aime pas. Bah, regardez sur Ténèbres. T'es dans 2 heures de perdu ou t'es pas dans 2 heures de perdu? Le gros sixième sens, il est pas cool. Franchement, je préfère. Là, si je devais faire une soirée, je préfère. Le gros dans Jurassic Park, il est cool ou il est pas cool comme acteur? Bah, c'est un acteur cool, mais il a l'air très gentil. Alors, détrompe-toi, c'est une crème. Alors, coupure de courant. Panne de réveil. Le lendemain matin, tout le monde doit prendre un avion. Là, un truc de bénil et tout le monde bouge dans tous les sens. Juste une petite précision. Quand Kevin est puni. C'est pas un extra audio, je viens de le chanter. Quand Kevin est puni, Kevin va dormir dans le grenier. Oui. Ah ouais, il est hardcore le truc. Ouais. Non, mais attendez, mais surtout le grenier, il est trop posé, quoi. Enfin, je comprends pas comment il peut avoir peur d'aller au grenier. Il est tranquille, personne ne le fait chier, quoi. Il est trop cool ce grenier. Il a pas peur d'aller au grenier, il a peur d'aller à la cave. Il est très bien dans son grenier. Non, non, il le dit. Elle dit, j'ai peur d'aller au grenier. Et elle lui dit, attends, au bout d'un moment, t'as peur d'aller dans le grenier, t'as peur d'aller dans la cave, tu veux aller nulle part, au bout d'un moment. Il faut savoir que Greg a vécu 7 ans dans une cave. Mais ça fait que la maison fait 500 mètres carrés, moi j'ai pas compris pourquoi elle l'envoyait pas juste pas dans sa chambre. Bah, vous avez remarqué qu'on ne voit jamais la chambre de Kevin dans ce film. Ah, c'est vrai. Il n'y a pas de hasard. Est-ce que c'est les choses qui sont censurées éventuellement? Pas du tout. Non, c'était fait. Il y a certaines personnes qui racontent qu'en fait Kevin est un fantôme, mais c'est l'image d'un enfant. Et c'est ce qui a inspiré sixième sens. Il voit des morts cambrioleurs. Voilà. Donc, alors, Il rate l'avion. Et alors, pourquoi il ne rate pas Kevin? Si, il rate Kevin aussi, d'ailleurs. Non, il rate pas l'avion. Et ils vont rater Kevin. Parce que Mitch Murphy, le voisin qui habite en face, bah, elle a pissé de rire cette scène. Hein. Qu'est-ce qu'il fout là, lui? Oui, et pourquoi il pose une question? Il va pas bien, alors, votre camion? Oui, je vais faire tous les voix des personnages dans ce podcast. Donc, tu connais les répliques par cœur. Oui, en fait, voilà. Moi, ce qui m'interpelle, surtout, la première fois, c'est qu'ils se lèvent tous à midi. Oui. C'est-à-dire qu'ils ont bouffé des pizzas jusqu'à 5 du matin. Non, mais surtout dans les familles, il y a toujours un oncle ou une tante qui se lève à 6 heures du matin. Je sais pas si vous, c'est pareil. Dans les familles, il y a toujours quelqu'un qui se lève hyper tôt. Ouais, bah moi, c'est ma mère. Donc, trop tôt. C'est les gamins qui se lèvent trop tôt. Et personne n'est levé chez eux, mais le petit voisin, il est debout depuis longtemps, Mitch Murphy, là. Bah, Mitch Murphy, il a des problèmes de sommeil, figure-toi. Avec un père qui le maltraite, c'est pas une bonne affaire, celle de Mitch Murphy. Alors du coup, ils se lèvent hyper tard, ils vont rater l'avion. Et alors là, c'est la scène de panique. C'est foutu, jamais nous n'arriverons à choper l'avion. Il décolle dans moins de 45 minutes. Ah, sois positif, Franck. Mais il s'agit pas d'être positif, faut être réaliste. Madame. Madame. Quoi? Excusez-moi, je voulais seulement vous dire que l'électricité était réparée. Mais pour le téléphone, c'est fichu. D'après moi, ma belle, il faudra du temps pour le remettre en marche. Ah, surtout oui. Que c'est loin. D'accord, merci. Isa, tu as fait le compte? On est 11, y compris moi. 5 gamins et 6 filles, plus 4 parents, 2 chauffeurs, une perdrix et 2 ratons laveurs. Super, ils n'ont pas raté l'avion. Alors on voit qu'on est dans une fiction, hein, car le personnel de l'aéroport est sympa. On est dans une fiction aussi, c'est qu'ils partent 40 minutes avant. Okay. Ils sont à l'aéroport de New York et genre ils mettent 5 minutes à passer la sécu. Quoi. Ils arrivent. On a raté l'avion. Non, vous attendez. T'sais, on a vite arrivé à l'arrache, clairement. Mais attends, ils sont quand même 65, c'est la moitié du vol. Hein. C'est vrai. Mais surtout, donc. Après 11 septembre, aucune vérification d'identité à l'entrée de cet avion, quoi. Le 11 septembre, c'est 11 ans plus tard. Oui, je sais, mais ça, tu vois bien que la sécurité des aéroports était quand même. On a dit qu'on parlait pas de religion, alors on a fait avec le 11 septembre. Ils vérifient même pas leur billet, quoi. De politique, la mère leur file les billets au personnel, mais ils rentrent. À l'époque, c'était sur la confiance, hein, les aéroports. Bah oui. Il y avait pas de billets, il y avait pas. C'était donnant. C'était le troc. C'était je te respecte, tu me respectes. T'as des valeurs, tu peux monter dans la vie. Parce que toi, Barbara, tu l'as vu, dans le 2, c'est pareil, il bouscule l'hôtesse de l'air, il fait tomber tous les billets, mais on le laisse quand même passer parce que son père est là-bas. Donc c'est vrai. C'est très très très laxiste, moi je trouve, comme on a eu le droit à un petit Run Rodolphe de Chuck Berry, avec plein de bruit de pas derrière qui s'ajoute à pour que l'extrait soit vraiment pourri. Et alors là, c'est le réveil solitaire de Kevin dans la maison. Et alors, moi, j'ai une question sur ce qu'il y a dans ce grenier. Parce qu'à mon avis, il doit y avoir de la tisse, parce qu'il se réveille, il est clairement en gueule d'hub, le gamin, quoi. Il a déjà la gueule qu'il va avoir à gérer. Il a eu le tronche. Il se réveille, il est là, genre, what? Oh, c'est chaud. Il a l'air tout débranlé. Pourquoi il n'y a plus personne? J'ai chargé hier. En fait, c'est very bad trip, quoi. Je pense qu'il picole un peu, le gosse. Et alors là, il est tout seul dans la maison, on s'en rend compte. Ouais. C'est là, c'est pas lui, par contre, il s'en rend pas compte, lui. Hein. Il met 3/4 d'heure pour s'en rendre compte. C'est clair. Alors, et moi, ce que j'ai adoré. Et après, on me dit qu'il est intelligent, excuse-moi. Pour moi. Ce que j'ai adoré dans ce film, tout au long du film, c'est que la maison, elle se range toute seule. Ouais. Elle fait 500 mètres carrés. C'est clair. Et elle est toujours nickel, mais quoi. Complètement. En fait, il cohabite avec 9 portoricains qui font le ménage, mais c'est tellement grand qu'il les croise jamais. C'est ça. Non, mais je t'arrête tout de suite parce qu'il y a un moment donné, il y a quand même un déclic dans sa tête. Il prend conscience qu'il faut faire les tâches ménagères. Il se met à faire de la lessive, d'ailleurs. Et j'imagine qu'en même temps, il va aussi faire un peu le ménage. D'ailleurs, je crois qu'il change la toiture et il répare les joints de la salle de bain. Il refait les joints, ouais. Il fait les joints. Il descend à la cave. Alors, à la cave, il y a 1 million d'objets. Donc, syndrome de Diogène, pour ceux qui connaissent. Ou alors ceux qui ont regardé Enquête. Ceux qui ont regardé Zone Interdite, comme moi et Greg. Et alors là, c'est la chaudière de l'enfer. Hein, la chaudière qui fait peur. La chaudière Sauron. C'est... Je sais pas pourquoi ça me fait aussi penser à Requiem for a Dream, mais c'est comme un petit peu, tu vois, c'est le frigo, c'est entre frigo et sauron, quoi. Encore une fois, le petit, il est en manque, hein. cette chaudière, en fait, elle bouge pas, quoi. C'est juste qu'il a pris des vieux acides la veille, il est genre, il aurait la chaudière, je suis en train de faire un truc, c'est chaud. De toute façon, c'est clairement un gamin qui a des problèmes, vu qu'il va commencer à se parler tout seul, hein, aussi, donc ça va être schizophrénie land, hein. Il se parle tout seul pendant tout le film. Mais ça, c'est à mon avis, c'est pour sa santé mentale. Il se rend compte qu'il est. Il parle à ses parents, à sa famille. Bah, il est bien dingo puisqu'ils sont pas là, ses parents. Alors, le premier truc qu'il fait quand il se rend compte qu'il est tout seul à la maison, il va sauter sur lui en mangeant du pop-corn. J'ai trouvé ça plutôt soft, plutôt nul. Ensuite, il va jouer avec des pétards, il va regarder du Playboy, il va jouer avec une carabine. Non, il s'en fout du Playboy. Oui, il s'en fout. Ouais, mais non, ouais, il dit c'est dégueulasse, elles sont toutes à poil. Et là, il fait un truc trop marrant, c'est qu'il se dit ah bah. On l'a tous fait ça d'ailleurs. Quand on découvrait les Playboy qu'on avait 10 ans, on disait c'est dégueulasse, elles sont toutes à poil. Ben, ça va. J'ai volontairement laissé un silence. Et alors là, il y a un truc qui m'a vraiment fait marrer, c'est que il a genre 8 ans. Il va se faire une après-midi télé. Bah ouais, normalement, il a tout l'après-midi devant lui. Et alors, ce que tu vas dire. Et alors, au lieu de regarder Pokémon, il va se mater un vieux film en noir et blanc des années 30. Il regarde l'intégrale d'Otto Preminger, je veux dire. Et Truffaut, de François Truffaut. Globalement, il ne se reste pas trop parce mieux Bergman. Est-ce que vous voulez. Globalement, il ne se reste pas trop parce que. Moi, tu te retrouves tout seul. Tu vas voir les voisins, tu fais un truc, quoi. Mais non, lui, il reste tout seul, il met des films. Un gamin de parce qu'il est persuadé que c'est lui qui a fait disparaître sa famille. Ah, oui, un gamin de 8 ans, il pleure, puis c'est tout, quoi. S'il n'y a plus personne. Ah, bah, t'as raison, le film aurait dû s'arrêter. Ah, bah, moi petit, je pleurais pas. De toute façon, si je prenais, je me prenais une calotte. Hein, si est-ce que vous voulez une anecdote sur ce film qu'il regarde? Bon, oui, si tu veux. Oui? Mais oui, on veut une anecdote, Julie. Allez, il faut plus nous demander. C'est pas un vrai film. C'est un film qui a été retourné exprès pour. C'est un film qui n'existe pas. Parce que vous croyez qu'il est en film noir. Et en fait, c'est inspiré d'un autre film de 1938 qui s'appelle Les Anges aux figures sales. Mais en fait, le film donc Angels with Filthy Souls n'existe pas. C'était retakes qui ont été faites pour le film. D'accord. Exprès pour coller au dialogue. C'est un film dans le film. Exactement. Et je pense que c'est aussi pour éviter de payer des droits, puisqu'ils vont quand même réutiliser cette scène à peu près 3 fois. C'est vrai. Ouais. Et elle est très très cool. Alors là, il va faire le premier truc. Alors, j'aimerais qu'on fasse un point sécurité, puisque je pense qu'il y a des enfants qui nous écoutent. Ouais. Moi, oui, en cette période de fête, c'est vite arrivé. Leurs parents les censurent et qu'ils nous écoutent pas. C'est vite arrivé à un enfant qui reste seul à Noël, là, donc c'est important. C'est bon. Voilà. Alors, si vous êtes seul à Noël, n'hésitez pas à prendre tous les médicaments qu'il y a avant d'appeler les secours. Bah oui. Moi, je pense évidemment. Que si ce film sortait aujourd'hui, t'aurais des associations à la con qui te feraient chier sur un ouais, c'est trop dangereux. Franchement, alors déjà, la première scène qui serait censurée cash, c'est la luge. Genre, comment donner une putain d'idée, hein, gosse. Faire de la luge d'endroit dans un escalier. Ah ouais, c'est clair. Méga dangereux. Et le truc, nous, on l'a tous vu. On l'a tous fait. Et non, moi, je l'ai pas fait. C'est beaucoup trop dangereux. Mais toi, Greg, t'avais 14 ans quand t'as vu le film. Greg a 45 ans. Non, mais ce truc-là, on l'a tous fait. C'est pour ça qu'ils. Ah bon ouais. Ils ont pas mis un enfant de 8 ans dans des escaliers de 4 mètres. Ils sont bien indiens. Bah trop de risques là, on va mettre un portoricain. Tout au long du film, il fait des bêtises impossibles quoi. Quand il va couper le sapin avec une scie, il va couper un vieil arbuste qui se transforme en sapin magnifique de chez les Galeries Lafayette quoi en fait. Ouais, parce qu'avant le 24, sa mère avait pas fait le sapin, tu vois. Ils étaient pas là pour Noël. Ils étaient pas là pour Noël. Quand t'es môme, tu fais forcément un sapin pour les mômes. Tu verras quand t'auras des mômes. Hein. Et surtout, je tiens à signaler, je suis très, très content, Barbara. T'as dit bêtises et pas conneries. Tu te souvenais qu'on était à l'épisode de Noël qu'il fallait pas dire de gros mots. Merci, Mickaël. L'épisode de fête de fin d'année. Hein. Pour des raisons politiques. Alors, déjà, vous reverrez la scène de la luge, mais en fait, ce qui est trop marrant, c'est qu'il va descendre l'escalier qui est pas exactement face à la porte. Mais quand je dis pas exactement, il y a un bon jeu de 30 cm, quoi. Et donc, normalement, il descend l'escalier et bim, il se prend le mur, quoi. C'est et, là, je l'attends. Et là, il y a un cut et ouais, il sort par la porte de devant et tout, genre génial. Alors qu'à mon avis, il se brise la nuque. Toi, quand tu l'as fait, en fait, tu t'es pété la gueule contre le mur. Non, c'est vraiment très senti. C'est pour ça que t'as jambes en moins. Jambes en mousse, pas moins. Alors ensuite, ça passe sur les parents qui sont à Paris, Orly, Roissy. Non, avant, ils attends, attends, attends, attends, attends, t'as tout sauté. Déjà, ils voyagent en première, alors que leurs enfants voyagent en seconde. Et surtout, oui, t'as zappé le moment où ils s'en aperçoivent. Ouais. Où ils disent, mais d'ailleurs, j'ai oublié de fermer la porte du garage, etc. Les parents voyagent en première, les enfants en seconde, je trouve que c'est plutôt une bonne idée. Ouais. De toute façon, ils sont tellement chiants, leurs enfants, que je pense que s'ils avaient pu les faire voyager dans la soute, ils l'auraient fait. Hein. Donc, mais surtout, donc, la mère, elle se doute qu'elle a oublié quelque chose, mais elle n'arrive pas à mettre le doigt sur quoi. Mais le père n'en a rien à foutre. Quoi. Grave. Le père n'en a rien à branler. Et bah, finalement, elle hurle dans cette mythique scène. Foutre et branler, je suis désolé, dans l'épisode de Noël, ça va faire tâche. Hein. L'épisode de fête de fin d'année. De fin d'année. Il est con, celui-là. Hein. Alors. Donc, voilà. On introduit le personnage maman, j'ai raté l'avion, du vieux à l'appel. Ouais, alors, il était introduit avant. Ouais, il était introduit avant, ouais. Au tout début, on fait dans le désordre, alors depuis quand Oui, il y a une légende comme quoi il aurait tué quelqu'un en 1958, qui est la date de l'année de naissance du réalisateur. Petite anecdote, comme ça, que je vous glisse. Et oui, il fait un peu peur ce monsieur, non? Bah, en fait, pas du tout. Il a juste une pelle et il ramasse de la neige, quoi, tu vois. Alors, t'as vu les chaussures qu'il a? J'ai trouvé qu'il avait été assez mal casté, parce que, ouais, ok, il a des chaussures étranges, mais il a l'air méga sympathique, ce mec. Bah, non, mais c'était. Ouais, non. Bah, après, non, il tape des regards, évidemment, ah bah moi, il tape des regards, c'est sacré bridge avec lui, il est vachement sympa. Et oui. Ouais. D'accord, Michel. Merci. Non, je sais plus ce que je voulais dire, voilà. Ah bon, bah merci. On s'en est pas. Mais si jamais je te rappelle pas, n'hésite pas à reprendre la parole, Michel. N'hésite pas à couper la parole pour faire. Et, j'ai dit, vous êtes qui en fait? Là, on n'en a pas parlé. Il faut quand même qu'on en parle. Joe Pesci et son acolyte, les voleurs. Joe Pesci, déjà, je pense qu'il faut en parler aussi. Ah, il est trop bien. Il est trop. Ils sont trop bien tous les deux. Greg, qu'est-ce que t'en penses? Il a joué dans quoi l'autre? Joe Pesci. Il a joué dans quoi l'autre? Il est bien, il est bien. C'est juste son nom qui est un peu bizarre, quoi, mais c'est tout, quoi. Bref. Ça ressemble à Pepsi, mais si tu fais rien. Pepsi, t'as vu que. Non, j'ai rien à dire. Il faut savoir. Ça y est, je me souviens ce que j'avais à dire. Là, tout le monde s'arrête là. Alors, vas-y. Non, mais ce qui m'a surpris, c'est que le vieux, la première fois qu'on le voit, déjà, il ramasse pas de la neige, contrairement à ce qu'a dit Greg. Il sale, en fait, pour que la neige fonde. Ça arrive souvent en hiver. Mais il sale sous un arbre. L'endroit où personne ne va passer, il peut pas faire une route, non, il fait ça sous l'arbre. Surtout qu'il. Alors ça, c'est un point de détail qui était vraiment très important. Je suis content qu'on ait arrêté de notre discussion pour qu'on revienne en arrière pour que tu parles du fait qu'il sale sous l'arbre. T'as l'extrait vidéo où il sale sous l'arbre. Alors on arrête tout, je vais aller chercher l'extrait. Et il paraît que Joe Pesci faisait exprès d'éviter Macaulay Culkin sur le tournage, exprès pour lui faire croire qu'il était méchant. Genre pour le mettre en condition. Ouais, jouer, je pense que c'est du mytho. C'est surtout ça. Parce qu'il lui enfilait de la cam en cause. Ça a pas beaucoup marché, hein. Parce qu'il est, il en a pas, Kevin, il en a pas trop peur des casseurs flotteurs. Oh, un petit peu quand même, à la fin. Quand il se retrouve un peu face à face. Quand il se fait accrocher au porte-manteau comme dans Midnight Express, je veux dire, tu fais moins le gamin, hein. De toute façon, globalement, c'est la seule scène qui a été tournée où ils sont ensemble, quoi, tu vois. Parce que sinon, c'est toujours des plans où lui il est tout seul et des plans où l'autre, où les autres sont tout seuls. Donc, Il a beau faire peur. Petite anecdote de tournage, c'est le même acteur et on a juste attendu 20 ans d'écart pour qu'il fasse les deux scènes. Il y a que Greg qui a compris ce que j'ai dit. J'ai compris. Bah, vous avez pas rigolé. Ouais, c'est pas cet étonnant. Épisode de Noël. Donc là, c'est la trêve, hein, c'est la trêve de Donc Noël. Là, les cambrioleurs. On est fatigués, on a passé une année 2015. Parlons tous en même temps. Les cambrioleurs, on apprend qu'ils sont quand même drôlement cons parce qu'ils cambriolent déjà en pleine journée. Et surtout, ils cambriolent le même quartier pendant une semaine. En même temps, une maison toutes les 6 heures. En même temps, j'ai envie de vous dire, c'est quand même un quartier où tout le monde est en vacances. Vous avez remarqué que quand ils essayent d'appeler les voisins, tout le monde est en vacances. Dans quel quartier tout le monde est en vacances? Je ne comprends pas. Bah, il doit avoir des réductions, tout le quartier, je ne sais pas. Ça a l'air d'être un quartier plutôt chicose, quoi. Bah ouais, mais. A priori. Ouais. Ils ont tous des sous, ils partent en vacances, c'est cool. Bah, ça se voit parce qu'ils ont le meilleur magnétoscope, hein, d'ailleurs, de l'époque. Hein. Le meilleur VCR. Dernier cri. Alors, eux, ils volent tout. Alors, quand ils volent, c'est pareil, c'est pas minutieux. Hein. On renverse tous les meubles et ils prennent tout ce qu'ils ont, tout ce qui a l'air d'avoir de la valeur. Mais genre, ils volent des brosses à dents. Alors, ils volent vraiment n'importe quoi. Même ce qui n'a pas de valeur. Ils prennent un service à poisson à un moment dans un meuble. Tu vas être dur à refonger. Hein. Ils remplissent les éviers d'eau, effectivement. Donc, ils ouvrent tous les robinets des baraques pour signer leur cambriolage, leur méfait. Et alors, quand ils partent de la baraque, il y a le petit Kevin qui est dans la rue, ta-ta-ta, qui marche, et il manque de le renverser avec le camtar. Il faut savoir qu'ils sortent d'un parking à ce moment-là, qui roule à peu près à 5 km/h et qu'il leur faut 50 mètres pour freiner. Et surtout, tu vois, il manque de renverser le gosse au lieu de dire, bah attention, tu vois, les mecs qui viennent de cambrioler une baraque, c'est peut-être pas le moment. Mais c'est un peu plus tard, ça. Et là, il le menace cache-pistache ou quoi. Cache pistache. Oh, bah, on va pas relever. Oui, donc il le menace Cache pistache ou en effet. Oui, c'est vrai que c'était pas le moment de faire ça, de menacer Cache pistache ou, parce que sinon, tu vois, tu peux te faire repérer quand tu viens de faire un casse. Et pourtant, ils le font. Cache pistache ou. Et Kevin reconnaît du coup Joe Pesci grâce à sa dent qui brille. Ah, parce qu'il l'avait vu en flic. Sa dent dans son en entrée. Art, tu veux dire. En art, en or. Sa dent en art. Ça va, non. N'empêche, ça c'est vraiment stylé. Hein. Trouve pas, toi, c'est stylé, tu sais, j'aurais une dent un peu. J'avoue, comment il a le style, j'avoue. Et en parallèle, on a donc la mère qui est quand en train de péter une durite à l'aéroport de Paris. Là, on comprend très bien d'où Kevin tient ses manières, puisque elle, carrément, elle raccroche le téléphone d'une nana qui est en train de parler à l'aéroport pour prendre le téléphone public pour elle. Elle hurle et elle appelle le bureau des enfants martyrs. Est-ce que vous connaissiez ce bureau des enfants martyrs? Ouais, bah c'est, chez moi. C'est les flics les plus compétents des États-Unis. Vous avez vu ce petit détail du flic qui crache à bout de meuf sur son combiné et qui reste collé, c'est dégueulasse. Dégueulasse. Ils sont vraiment dégueux les flics aux États-Unis. Bah, surtout la brigade des enfants martyrs. On avance parce que on peut pas rester indéfiniment là-dessus. Hein, même si tout le monde aimerait, si tout le monde aimerait parler de ce flic et de son donut. J'avance. Il y a le petit Kevin, il a un sentiment, c'est que les deux mecs qui font leur tour en camtar dans son quartier, eh ben ils vont cambrioler les maisons vides. Alors Kevin, il veut vraiment donner l'impression qu'il y a des gens chez lui, et il organise la fête des mannequins. C'est trop classe. En bois. Et ce truc est incroyable avec. C'est du Michel Don Gondry, là. Hein, franchement, non, mais là. Michel Sardou. Non mais avec le Jordan qui a été découpé, qui passe avec le train électrique, le. Il l'a pas découpé, je pense que c'était un présentoir. Qui était très découpé, soyez précis, il l'a découpé, il l'a pas découpé. On le voit dans la chambre de son frère, accroché au mur. D'ailleurs, vraiment. Ouais, il a pré-découpé. Mais d'ailleurs, les cambrioleurs, ils se disent pas, putain, il y a un mec qui tourne en rond depuis 10 minutes. Et à chaque fois, il y a un mec qui arrive avec Jordan. Il y a Michael Jordan qui tourne en rond depuis 10 minutes. Et dès qu'il arrive à l'extrémité, il devient tout plat. C'est bizarre, je le voyais pas aussi fin, Michael. Il est drôlement fit. Ça, c'est hein, les grands sportifs, hein, faut qu'ils s'affûtent. Et j'ai trouvé ça. En fait, c'est marrant parce que sur le coup, c'est très très drôle, mais t'imagines qu'il a dû faire ça pendant toute la soirée parce que c'est pas exactement comme il m'a fait. Au bout d'un moment, il doit se faire putain, je suis quand même drôlement seul. Hein. Tu mets 3 semaines à mettre ça en place, quoi. Et alors, quand t'as 8 ans, laisse tomber, c'est impossible. Oui, surtout, il doit se dire là, je commence vraiment à avoir une crampe. Ah, mais il doit picoler en même temps. Je pense que de temps en temps, il doit se faire une lichette de Jack. Où est-ce qu'il a chopé ses mannequins aussi? C'est un peu glauque quand même. Bah, à la cave. Il fait les vides-greniers souvent. Diogène, hein, j'ai expliqué au début du film. Il fait les vides-greniers le week-end. Et alors là vient une des meilleures scènes du film. Il appelle le livreur de pizza. Et là, il va lui mettre l'extrait audio du film pour le faire flipper. C'est aussi que tu vas nous le mettre ? Exactement. Allez. Yes. C'est le livreur, monsieur. J'amène votre pizza. Dépose-la sur le pas de la porte et fous le camp. Ok. Voilà. Mais et pour mon argent? Quel pognon? Bah, il faut bien que vous payiez votre pizza. Tu en es sûr? Combien faut-il que je te donne? Ça fait $11.80, monsieur. Tu peux garder la monnaie, ça ne me dérange pas. Sale rapia. Hé! Tu vas avoir droit à 10 petites secondes pour déplacer ton gros cul dégueulasse. Hors de chez moi, sinon je te plombe les boyaux avec du calibre 12. 1, 2, 10. Alors j'ai coupé parce qu'il y a encore à peu près 15 secondes de mitrailleuse. Le mec défouraille genre 9 chargeurs... Mais cette scène est quand même... C'est pas pour de vrai, hein. Ah, c'est pas pour de vrai. Non, c'est le film. Ah, c'est pour ça que c'était en noir et blanc certaines images. Donc ça petit, ce truc-là, vraiment j'adorais. Moi, je maîtrisais ça, je respectais sa maîtrise du magnétoscope parce que putain, la mise en scène là, faut le calibrer. Mute, hein. Tu veux dire? Deux. De la touche mute sur la télécommande. Non, il met pause. Il met mute. Non, parce qu'il va chercher des phrases. Tac. Pas du tout. Il met mute pour les répliques de l'autre. Il met pour les répliques de la personne en face. Ah, moi, il m'a drôlement vu le film. Je respecte ça. Je respecte ça. Bah oui. C'est vrai que tu m'étais pas aussi bien mute, toi. Non, moi je suis nul sur le mute. Toi, je vais te muter, tu vas en voir. Par contre, à noter quand même que c'est toujours le même livreur de pizza qui vient. Ouais. Non, mais bah, ça c'est logique. Pourquoi? Je veux dire, bah, c'est le quartier, ils vont pas changer, hein. Et c'est surtout n'importe quoi. Petit running gag de la statue aussi, hein, qui est tombée à chaque fois. Là, c'est une petite statue. Ça c'est bien nul. Hein. Insupportable. Ah, non, ça ne sert à rien. C'est... Ça te plaît pas, Greg? Non. T'as pas aimé ce film, non? C'est pas que j'ai aimé ou pas, c'est que bon, moi, j'ai rien à dire, quoi. Alors là, c'est pas pour ça que je vais fermer ma gueule, hein, je préfère te le dire. Kevin, après, il va faire les courses. Alors, c'est très très drôle. Il se prend vraiment en main, le gamin, dans le caddie. Genre, il y a du sopalin, des produits d'entretien. C'est limite s'il achète femme actuelle, quoi. Ouais, ça, c'est tellement ridicule, quoi. Après, il se met à faire de la lessive. Enfin, j'en connais deux, trois autour de cette table qui vont attendre 15 jours et plus avoir de caleçon pour se faire. C'est vrai, ça, Julie, Mickaël et Greg. Et surtout, c'est quand même une meilleure réussite que la fois où il est allé au supermarché pour voler une brosse à dents, hein, oui. Parce que ça, on n'en a pas parlé, mais deux scènes avant, il volait une brosse à dents, hein. C'est vrai qu'il a drôlement step up dans la vie, quoi. Tu vois, il passe de. En trois jours, c'est complètement fou, quoi. Il fait la lessive. C'est responsabilisé. C'est vraiment responsabilisé. Bon, sa mère, pendant ce temps-là, elle est totalement en déroute. Elle essaie de revenir, quoi qu'il arrive. Elle monte dans des camions, des trains, des bus. Les camions de la Polka. Moi, par contre, c'est une scène que j'adore. On avance quand même, parce que là, on est. Désolé, mais s'il y a vraiment une scène que j'adore, c'est vraiment quand elle rencontre les Polka. Et la petite énumération de Polka, c'est dommage que tu l'aies pas dit, parce que moi, j'adore ça. Embrasse-moi Polka, Polka d'amour, Polka. J'adore ça. J'adore en fait, ça. Greg, t'as aimé ce film, en vrai. Non, mais celle-là, je l'adore. Je le vois ton sourire, en fait. Ah non, mais celle-là, la Polka. On l'a Polka. Tous couverte. Ouais. Fan est sur... Enfin, fan Greg. Polka sur... Twist. Greg est surtout fan de Polka. Ah bah, avec Greg, on est Polkavore. Hein. Ouais, on adore ça. On va à tous les festivals. On est allé à Amiens le week-end dernier. Et alors là, ça, c'est un tout petit extrait audio que je vais vous mettre, mais ça m'a un vraiment petit quoi tout petit extrait audio que je vous mettre qui m'a vraiment fait hurler de rire, c'est que Kevin, pour insister sur le fait qu'il est quand même tout seul dans le fond pour les fêtes de Noël, il va passer devant une maison où il y a Noël à l'intérieur, et c'est pas n'importe quelle maison puisque c'est la maison de la pub Orange de Noël. Hey, attends une seconde, mon assistante m'a pris mon dernier bonbon pour son petit copain et je... Moi, c'est pas grave. Mais non, sois pas idiot, je dois te donner quelque chose. Tiens, donne-moi donc ta petite mémine. Et voilà. Allez, et ne sois pas en retard pour dîner, hein. Promis. Merci. Saloperie de saloperie. Vraiment qu'on se la tape, la musique? Mais oui, quoi, putain, arrête de casser le moment de Noël, là. Ah, pardon. Le moment de la fête de fin d'année. Ah, je suis mélomane, j'adore ça. Donc voilà, le pauvre Kevin, alors, il est tout seul. Moi, j'ai une question. Donc, il y a des voisins ou il n'y a pas des voisins dans ce quartier? Parce que tout le monde est censé être parti, mais il y a une maison pleine. C'est alors, vrai ils ne pas appelé tout le monde. Hein. C'est vachement pris en main, mais il ne peut pas aller voir les mecs en disant « Ah oui, non, il y a une raison, parce qu'il veut défendre sa baraque. » Ah oui, parce que ça, on n'en a pas parlé. Il sait qu'il va se faire... Il a déjà des valeurs, en fait. Il a compris qu'il allait se faire cambrioler ce soir à 21h précise. Et il tient à son service à poisson, lui. Oui. C'est-à-dire que les deux dailles totales qui cambriolent toutes les maisons n'importe comment, ils vont vraiment être là à 21h pile poil, parce que alors ça, c'est hyper important. Et du coup, juste avant, il va à l'église. T'as jamais cambriolé de maison, toi, ça se voit, hein? Non. Ouais. Ça, c'est à cause de ta jambe en mousse, du coup. J'ai volé 50 francs à ma cousine. Il va à l'église. Et c'est très marrant parce que, moi, j'aime bien cette scène aussi, hein. Ma préférée, c'est la polka, mais l'église, c'est en numéro 2. Parce qu'il arrive dans l'église, il y a personne, mais il y a une chorale d'environ 150 personnes. Ouais. Qui chantent pour personne. Ah oui, personne. Il y a personne. Ouais. Peut-être qu'ils s'entraînent. En fait, il y a très peu de personnes. Et surtout, par contre, la chorale est quand même très consciencieuse parce qu'à partir du moment où il y a deux personnes qui parlent dans l'église, ils chantent moins fort. C'est ce que j'allais dire. Pour les faire parler des gens. Ça, c'est très drôle. Et donc là, il va parler avec le vieux, il va se réconcilier avec lui. Et ce qui est trop marrant, c'est que jamais embrouillé. Non, c'était pas embrouillé, quoi. Si, c'est embrouillé, franchement. J'étais sur de mauvais termes, hein. Il lui devait quand même 150 balles pour les travaux, là, la salle de bain. Et parce que c'est le vieux, il avait dessalé le jardin. Il avait dessalé les arbres. Il a fait que dessaler les arbres. Il est devenu un sacré montagne de pognon pour tout le sel investi. Tu pourrais me dessaler mon arbre. Et là, il y a un truc qui est trop marrant, c'est que Kevin, il a 8 ans, et avec le vieux, il va parler en métaphore. Tu sais, genre. Non, mais c'est une discussion chez le psy, quoi. Genre, le gamin de 8 ans qui dit, oui, je pense que tu devrais appeler ton fils, la période de Noël. Non, mais attends, mec. Parce qu'il est quand même fort de rentrer dans un thème aussi poussé en environ 20 secondes de discussion avec un inconnu, quoi. C'est vrai. Qui te faisait carrément flipper. Avec une chorale dans le dos, quoi. Tu sais, c'est, ils vont vite, quoi. Bah, surtout que moi, le mec qui a 60 balais, qui passe le sel sous les sapins dans mon quartier, qui a l'air débranlé, je vais pas discuter avec lui avec tout ça, tu vois. Mais c'est lui qui s'invite. Bah oui, il lui dit, tu peux me dire bonjour quand tu me croises, tu sais. Il a l'air gentil, il est en costume, il est bien habillé. Bah. À l'église. Ouais, ça c'est un gentil. Bon. C'est comme ça, déjà il est dans une église, donc c'est forcément. Tout le monde gentil, hein. Se fait chier en nous écoutant là maintenant. Ils attendent qu'une seule chose, ils attendent qu'il soit 21h. Et ils attendent que ce soit le montage plan de bataille. Alors là, attention. Mm-hmm. Les deux gogoles, ils vont venir à 21h précise. On ne sait pas encore par où ils vont arriver, mais ils veulent ce putain de service à poisson. Absolument. Et est-ce qu'on a le droit de dire que juste avant que 21h ne sonne, il a quand même réussi à mettre la table, il s'est mis deux fourchettes, deux couteaux pour un gamin. Il était pas très bon en timing, excusez-moi, d'ailleurs. C'est vrai qu'il est con parce que... Oui, parce que macaroni au fromage. Mais avec un verre de lait, mais pas de cookies. Voilà, je tenais à vous le dire dans 2 heures de perdu, un verre de lait sans cookies. Mais niveau accord mets 20, là, c'est parfait. Hein. Le fromage et le verre de lait. Et surtout, il s'est mis des fourchettes à poisson et tout sur le côté. Mais c'est MacGyver, mais c'est pas un chef étoilé. Quoi. Bah, il a 7 ans quand même. Je trouve bien dur. Surtout qu'il est un peu nul parce qu'il a fait un plan de défense ultra perfectionné, sauf qu'il a pas prévu de manger ses macaronis 5 minutes avant 21h. Du coup, il va faire toute la castagne, et ça, j'avais pas pensé. Le ventre vide. Il va faire toute la castagne, le ventre vide, et ça, c'est quand même encore plus fort. Ça va jouer. Ça va jouer, ouais. Ça va le mettre sur les crocs, sur tac tac tac tac tac. Et alors là, il est plus léger pour la tyrolienne. Ouais. Hein. Et alors là, ils arrivent. Et alors, il a mis plein de pièges dans cette maison. Je rebondis sur ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire que je pense qu'aujourd'hui ce film ne pourrait pas sortir tel quel, car dans ces pièges, il y a quand même pas mal de choses qui sont mortelles. Et tu veux dire les petites micro-machines en terre. Je pense aux micro-machines et aux plumes. Alors. 21h, ils arrivent, ça monte en tour. Alors là, ça va monter en tour. Et là, il défend sa baraque. Ça commence avec la carabine. Ouais. Et il va tirer dans la jambe de l'un, tirer dans la tête de l'autre à la carabine à pont. Alors ça. La jambe, t'es gentil. Ouais, c'est la jambe. Ouais. Ouais, bon, ouais. C'est, voilà. C'est la fin d'année. Hein. Ça fait. C'est dans le oui-oui. Hein. Dans on le est oui, sûr oui. Que c'est pas le sucre d'orge du Père Noël. Ouh. Ouh. Donc ça, à la limite, celle-ci. Je parle des balles dans la jambe et dans la tête. Ça tue pas, ça fait mal, mais ça ne tue pas. Ils vont pas faire demi-tour. Hein. Ils vont pas mais cesser à battre. Bah non, ça les chauffe justement. Ça les chauffe. Ça les chauffe. Ça les... D'ailleurs, enfin, il y a un truc sur lui, on est trop chauffé. T'as pas mal. Ah, non, moi ça m'a chauffé. Oh, tu dois avoir mal. Non, trop pas, je suis chaud, mon pote. Et alors là, donc voilà. Deuxième truc, plaque de verglas dans les escaliers. Ils vont tous les deux tomber. Plusieurs fois. Alors, sur chaque truc, j'ai noté à peu près ce que ça faisait. Donc là, généralement, il y a une grande chance que ce soit paralysie à vie, invalidité 90% ou mort. Parce que le mec, il tombe dans un escalier, je sais pas si tu vois la chute qu'il fait. Au moins, fracture tibia péronée. Hein, là, tu dis, le petit Kevin, il est tranquille. Hein, il va pouvoir aller le piquer avec un bâton demain matin. Hein. Le mec, il est totalement explosé. Quoi. Troisième piège que j'ai trouvé exceptionnel. Le fer à repasser. Ah oui. Ça fait mal aussi. Hein. Ah ouais, alors ça fait, alors raconte Julie, parce que ça, c'est très, très, très drôle. Enfin, je trouve ça très, très ingénieux. Bah, en fait, il a rattaché le fer à repasser donc, dans le tube de linge qui est à l'étage du dessus. Ouais, le tube de linge. Alors, qui a un tube de linge chez lui? Moi, j'ai un tube de linge. Ça connaît super, le roi Merlin. En gros, c'est un trou au rez-de-chaussée qui amène le linge directement à la laundry. C'est en un vide linge, quoi. Voilà. C'est comme un vide ordure. Comme un vide ordure, mais de linge. Et donc, du coup, il a rattaché le fer à repasser avec une ficelle et il a fait croire que c'était un interrupteur. Comme ça, quand le méchant essaye d'allumer la lumière en passant par la cave, il se prend juste un fer à repasser de 5 kilos dans la gueule. Ah, c'est la centrale vapeur. Là, puis ça vient avec tout l'attirail. Le truc, c'est un énorme bout de métal qui tombe de 3 mètres en plein milieu sur son crâne. Je me suis dit, bon, traumatisme crânien, invalidité 90%, légume à vie ou mort. Donc, Il va se prendre ça dans la gueule. Au pire, dans 2 ans, il a Parkinson. Hein. Il est prévoyant, le petit Kevin, parce qu'il s'est dit, bon, bah, le mec, là, il va arriver, directement, on va ouvrir la lumière, bam, là, ça lui tombe dans la tronche. Après, je vais mettre du goudron sur les escaliers. Mmh. Ouais. Donc, il va coller ses chaussures, puis ses chaussettes, puis il va être pieds nus, puis il va marcher sur un clou de 5 cm pieds nus. Et puis surtout, comme ça, quand il essaiera de repasser par l'extérieur, il va marcher sur les bris de ouais. petites de Donc, ça, c'est parce qu'il avait vu Dayard. Donc, ça, il a été smart. Ouais. Donc le clou, moi quand j'ai vu le clou, ça, déjà j'ai explosé de rire. Je suis un enfant à l'intérieur. Et surtout je me suis dit putain. T'avais mis du lait partout d'ailleurs au moment où t'as rigolé. je me suis bourdi du canapé en disant ouais un clou. Et mais alors putain tu te prends ça dans le pied. Mais il je veux encore pas trop, citer un personnage célèbre qui fête son anniversaire, mais putain. tu te prends ça, c'est costaud. Hein. Après ça il y a le chalumeau sur le haut du crâne. Ouais, ça, c'est... Oui, ça, c'est sympa, ça. C'est original, ça. Putain, ça déjà, ça, pique, hein. ça déjà, t'es ah, ça tranquille, chauve à vie. là, t'as plus de cheveux, hein. Ça, c'est réglé. Vous n'avez pas beaucoup à pêcher en même temps. Donc, Ah, mais dans le 2, ça a repoussé, hein. Ah oui. Mais c'est ça me rassure. C'est lui, dans le 2 ouais. C'est Joe Pesci, en fait. Ouais, c'est les mêmes. Ouais. C'est les deux mêmes. C'est pas Thierry Lhermitte. Mais non, c'est pas le mec de... Non, c'est le même. Bah écoute, ce soir, Antoine, tu regarderas le 2. C'est ma parole, c'est les mêmes acteurs. Mais le mec Dr House, il est dans lequel? Hein? Dr House. Le l'acteur qui joue Dr House, il a fait un Maman j'ai raté l'avion. Ouais. Non. Et ben je crois que c'est bon. Non. Je m'arrête. Je n'en sais rien. Je pense que tu te trompes. Après l'attaque par les plumes. Bon là j'ai marqué 0% d'invalidité, mais honte suprême franchement. Ouais. Là, t'as c'est trop la domination. Franchement, domination par la plume. Ouais. Tu sais qu'ils ont attaqué le Vietnam comme ça les Américains. Bon bah alors sans de plumes. Ah, ouais. C'est le gag préféré du réalisateur. Parce qu'il disait que c'était le moins violent et que c'était ce qu'il préférait. C'est ouais. vrai que s'il aime pas la violence, franchement, il s'est bien foiré. Quoi. Il a mis que des trucs où tu fais oh putain, ça doit faire bien mal. Ça. Mais il y a même au début toute la violence verbale dans la famille. Quoi. Tu sais, alors, grave. Je te rappelle que ce n'est pas le réalisateur qui choisit ce genre de choses, mais le scénariste qui est John Hughes et non Chris Columbus. Après, tu signes ou tu signes pas, t'as vu. Tu fais tes choix. T'as compris. Ok, petite voiture, micro-machine, chute. Donc ça c'est plutôt soft. Ouais, mais ça, j'y crois pas trop, moi, en fait. C'est comme les boules de Noël devant la fenêtre, tu vois. Ouais, bon, je pense que en fait tu les balzingues avec tes doigts, quoi. Non, mais même. Tu passes par dessus, en fait, tout simplement. Tu rentres par la fenêtre, tu regardes pas, et puis bon, bah, t'as déjà les pieds complètement explosés. Mais toi, t'as l'air nonchalant quand tu fais un cambriolage, Greg. mais tu vas pas regarder qu'est-ce qu'il y a pour terre. Il y a que les boules de Noël que tu trouves un peu bizarre dans ce montage. Les boules de Noël, j'y crois pas. À la limite, tu vas le faire repasser, tout ça, j'y crois. Mais non, mais n'importe quoi. Ah, si, ça s'est déjà fait. Moi, j'ai failli m'en prendre un l'autre jour. Pot de peinture qui tombe de 3 mètres. Ça, c'est bien, ça. Alors ça, vraiment stylé. En plus, ce que j'ai trouvé très cool, c'est que là, c'est pas un piège. C'est Kevin lui-même qui les envoie, tu vois. Donc, il leur donne une petite inertie. Bah, fracture du crâne, chute dans l'escalier, mais mort. Donc, il connaissait leur taille, par contre. Il connaissait la taille des cambrioleurs. il a bien géré. Mais là où il aurait pu être déçu, c'est, tu vois, si les cambrioleurs s'étaient arrêtés au premier obstacle. Mais là, il est content, parce que tu vois, au moins, il peut mettre tous ses pieds en exécution. J'avoue. Mais en même temps, au bout d'un moment, il commence à stresser. Il dit, putain, j'ai plus beaucoup de cartouches, là, comment je vais faire? Moi, je suis content quand même de tester celui-là. Yes, ça marche. J'avoue, les mecs, ils se prennent 2 coups de carabine. Ils font, bon, on se barre, on va dans la baraque d'en face. De toute façon, il y a personne dans le quartier. Et là, il fait, ouais, oh, j'ai tous les pièges arrangés avant que maman elle rentre. Oh, puis le goudron sur les marches, mais comment je vais enlever ça? Oh, j'aurais peut-être pas dû le mettre. Oh, ça, le goudron. Pour le coup, il avait acheté tous les produits pour laver dans l'après-midi. Oui. Mais ça, c'est vrai que ça, c'est un bon point. C'est-à-dire que la baraque, elle est quand même débranlée après le passage des mecs. Et après, il y a quand même une scène où son père, quand il arrive, il lui hurle dessus en lui disant Kevin, comme si la baraque, elle était débranlée. Mais c'est juste le salon, en fait, qu'il a rangé, l'entrée, quoi. Mais non, attends, le père, il trouve juste la dent en or et il y a. Non, après, il hurle Kevin, c'est la. Non, c'est, la... Non, c'est le frère. C'est le frère qui dit Kevin, qu'est-ce que t'as fait dans ma chambre? Parce qu'il a quand même tout cassé dans la chambre de Buzz, quoi. Ouais. Il a tout rangé sauf la chambre de Buzz. Ah bah, tous les coups. Je pense qu'il en a rien à foutre, c'est un salaud. Tarentule sur le visage, attaque psychologique. Ouais. Voilà. Ensuite, acrobranche évasion, il coupe la corde. Ça doit faire bien mal. De la tyrolienne, ouais. Bah, et enfin, il se fait sauver par le vieux. Non? Ouais. Ils sont dans la maison d'en face, il faut prévoir. Bah, il se fait attraper par les casseurs flotteurs. Il est super malin parce qu'il se fait attaquer dans la maison des voisins en face, la maison qui est inondée, du coup. Pour pas qu'on puisse rattacher les cambrioleurs à sa maison à lui, il a appelé d'abord les flics de manière anonyme. Mais pourquoi il fait ça? Mais pourquoi il appelle pas les flics dès le début, en fait? Pourquoi il appelle pas les flics à 21h? Bah oui, c'est vrai. Bah, parce qu'il veut pas qu'on, ouais, veut pas qu'on rattache sa maison et ce qu'il a fait. Attends, il est quand même. C'est, bah, il a essayé de les buter, quoi. Enfin, mais moi, je pense qu'il a quand même un trouble psychologique, hein, ce gosse. Attends, avec tout ce qu'il prend, vaut mieux pas qu'il y ait les flics qui viennent chez lui. C'est ça, en fait, il y avait des trucs à planquer. Non, mais c'est vrai, ça, c'est encore complètement débile. Tentative de meurtre multiple, quand même. Hein. Je veux dire, c'est tout seul à la maison, déjà, tu vas chez les voisins, il y a des cambrioleurs qui arrivent à 21h, bah, tu préviens les flics, tu dis, bah, il y a des mecs qui arrivent à 21h, ça va virer chocolat, venez vite, quoi. Hop. Non, mais... Non, mais c'est vrai que là, il se l'a fait quand même Chuck Norris en solo, genre, ouais, c'est bon. Et en plus, je veux pas que les flics, ils m'écrasent. Et du coup, j'appelle les flics pour la baraque en face et tout, mais c'est un bordel de dingue. Il est sacrément malin. Mais non, mais c'est quoi l'intérêt? Il va devoir tout ranger tout seul. Si on avait dit qu'il y avait cambriolage là, machin, il passait mais pour le héros. Mais ça va, sa maison, elle se range en 3 secondes, tranquille, quoi. Bah, c'est la magie de Noël. Mais ouais. Moi, déjà, j'aime pas faire la vaisselle, alors ranger ça... Bon, turbo happy end à la fin, comme d'hab, tout le monde est content, sa mère elle rentre. Ah oui, lui, avant d'aller se coucher, il va déposer cookies, lait, carottes crues, je sais pas si vous avez vu ce truc-là, près du sapin, j'ai halluciné. Il pose une, tu sais, il prend une assiette. Mais qu'est-ce qui te choque là? La carotte crue. Une carotte crue. T'as jamais mis une carotte crue? Non, mais c'est le truc pour Noël, il va être un cookie et un verre de lait, tu vois. Un cookie et un verre de lait. Comme dans l'expression américaine, tu veux dire. On en a déjà parlé, ouais. Et à côté, il met des carottes crues. Mais c'est pourquoi? C'est pour les lapins de Pâques? Mais non, c'est pour le Père Noël. Il mange toujours des carottes crues quand il arrive chez les petits enfants. Ça le rend de bonne humeur et après il fait ho ho ho. Voilà, merci Barbara. Grosse prise de risque là-dedans. Donc voilà, super moment. Ouais. Familial. Avec vous là déjà. Oui, c'est vrai. Comme à chaque fois. Et l'autre jour en le matin. Joyeux Noël. Mais il faut que tu dises quand même que la mère, les parents reviennent quand même. Histoire de clôturer ce débat. Ah et oui, les parents reviennent. Voilà, la mère revient en ayant fait un vol complètement con, en même temps que les autres. Un vol complètement con. Non, mais elle a fait un vol, plus le bus, machin, et elle arrive exactement en même temps que son mari, qui avait le vol qu'on lui avait proposé. Donc elle a cassé les couilles à tout le monde pour rien, quoi. Elle a failli apprendre à jouer de la clarinette dans le bus polka. Moi, j'adore la polka. Hein, bon, d'ailleurs, le mec, vous voulez essayer? Je sais, qu'est-ce qui va se passer? Tu sais pas jouer de clarinette, tu sais pas jouer, toi, tu vas pas essayer. Si tu veux, surtout tu viens de la meuf, elle essaye. J'y suis presque. Je vais peut-être rester avec vous. Surtout que c'est un gros qui bave, qui joue de la clarinette. D'ailleurs, il y a un batteur aussi, il y a une batterie en fait dans le camion. Ouais. Quoi. Polka. Bah, polka twist. Polka d'amour. La polka du diable. Voilà. Donc, j'ai adoré, vous aussi, tout le monde sauf Greg. C'était notre avis sur ce film. C'est l'heure d'un second avis. Je n'ai que faire de votre opinion. N'insistez pas, c'est inutile. Vous savez, les avis, c'est comme les trous du cul. Tout le monde en a un. Alors, commentaire, 5 étoiles, Allociné, Amazon, Maman j'ai raté l'avion, on commence avec Magali 30, alors 30 j'espère que c'est pas son âge. Elle dit, j'adore, comme je le regarde une fois, mon petit frère fait que de le regarder, alors ça fait que je le regarde presque tous les jours, 5 étoiles. Ah bah c'est cool. Effectivement, si elle a 30 ans, c'est chaud. Ensuite on a Zola, hein, pas Émile. Attends, on va voir. Je peux te dire que non. Peut-être que c'est une belle plume. Raté l'avion, ça c'est son titre, déjà. Cadeau pour ma fille. Elle adore, surtout au moment de Noël. Bon, elle a grandi avec. Bon, elle a 20 ans, mais elle ne se lasse pas. 5 étoiles. Ensuite... Bon, attends, on se fout de ta gueule, mais ça fait une heure qu'on dit qu'on a adoré. Moi, j'ai jamais dit ça. Hein. Non, c'est vrai que toi, t'es un homme. On va faire un petit commentaire, fan de coach, mais un petit condensé, hein, parce qu'il était là, je pouvais pas le manquer. Fan de coach qui lui dit... Maman, j'ai raté l'avion. Il commence toujours par le dire. Quel chef d'œuvre incroyable. Les acteurs étaient vraiment bien. Et la musique. Heureusement que les vilains voleurs se sont fait attraper à la fin. Et les voleurs, joués par les acteurs impeccables. Et surtout la musique. Vraiment, voilà. Quel petit bonhomme. Et la réalisation, parlons-en. Tout est parfait. Voilà, moi j'ai adoré ce film. Bon, je vous le fais quand même. Vas-y, fais-le. Maman, j'ai raté l'avion. Un véritable cartoon, ce film. Encore mieux. Cette histoire de Kevin, 9 ans, qui a une famille vraiment décalée et qui va s'apercevoir qu'ils l'ont oublié le jour où il devait passer les vacances à Paris. Quel enfant n'a jamais rêvé de se retrouver seul, avec sa maison, à faire ce qu'on veut? Il y a des petits problèmes d'élocution. Un scénario astucieux et bien foutu, avec de l'humour et des gags à revendre. Ça marche bien, le délire des personnages et des gags sont là. Et franchement, c'est que du bon. Voilà, une comédie familiale à ne pas rater. Moi, j'adore. 5 étoiles. J'ai fait énormément de coupes, hein, vous imaginez. Et ensuite, on a Cal, avec plusieurs A, sur Allociné. Alors lui, je pense qu'il invente tout simplement un nouveau langage. Hein. Donc il fait « Macaulay Culkin joue Kevin McAllister, l'enfant américain moyen. Un jour, Kevin se réveille de son sommeil de trouver son souhait devenu réalité. Ses parents ont disparu. Passionné par cela, il procède à tout faire. » J'adore les trucs traduits du chinois. C'est vraiment nickel. Et tout ce qu'il n'a pas été autorisé à faire avant, y compris manger la crème glacée dans la matinée. Regarder des films de gangsters violents en sautant sur le lit, détruisant la chambre de son frère, et fait tout en même temps. Les ennuis commencent vraiment lorsque deux cambrioleurs embêtants décident que leur prochaine cambriolage seront à la résidence McAllister. La résidence McAllister. Il ne s'avère que Kevin est plus près que jamais. John Hughes, scénariste, réalisateur, producteur, mêle l'émotion, rire ventre et une fin chaleureuse. Tout dans un petit paquet appelé un film. Pesci, personnage d'Harry est très strict. Facilement agité et s'en prend à Marv pour un grand nombre de choses. Marv, le stéréotype du grand stupide, est complètement stupide. Il fait des choses qui feraient rougir un hamster. Franchement, c'est le frère de Van de Coach. Pourtant, il est le personnage que j'ai trouvé beaucoup aimé. Principalement parce qu'il est si stupide que vous devez vous sentir désolé pour lui. C'est un choix difficile de décider ce qui est méchant mieux. Alors je dis juste que je les aime tous les deux pareil. Et enfin, on a dernier commentaire, 5 étoiles, Amazon cette fois-ci. Alors lui, je crois qu'il est encore un niveau au-dessus. Son titre, c'est « Être laissé derrière, sonne terriblé, pas une mauvaise trouble après tout. » J'ai compris aucun mot. Alors lui, je pense que c'est un réfugié croate, hein, carrément. Un gosse américain, un petit garçon nommé Kevin McAllister, fête avec sa famille le soir de fête du Noël. Là, tu fais un peu une voix d'italien gay. Ouais, quand même, ouais. Ta vraie nature ressemble. L'environnement est tout joyeux. Tous chantent et mangent les délices de leur festin. Tous ont l'air contents et détendus, du libre des soucis. En plus, c'est pas vrai du tout. Ils sont méga vénères. Parce que toi, t'écoutes ce qu'il dit en plus. Ben, je comprends ce qu'il dit. Je parle aussi comme ça. Ces soirs-là, il ne se méfie pas de rien. Et le temps familial coule comme le vin dans les verres. Tout semble normal. Même les soudains arrivants de deux gendarmes. Seulement, petit Kevin a constaté, étrange la manière, qu'un des gendarmes sourit avec sa dent d'or dans le milieu de la bouche. La chose qui se passe le lendemain matin est inimaginable. En ayant l'urgence de se dépêcher pour arriver à l'aéroport à temps, quelqu'un est laissé à la maison, dégagé dès la famille. La bruit au matin a cassé tous les records et tout à coup arrive la silence. Kevin entre dans la cuisine à demi-dormant. Mais c'est un résumé de toi, quoi, qui nous fait. Non, c'est vrai, et j'ai fait des coupes de ouf, ça fait deux pages. Mais bientôt, il flottera ses yeux en surprise, tout c'est parti. Mais sa choc ne dure pas longtemps, au contraire, il a l'air heureux et se sent aussi j'adore bien. J'adore les mimiques de Michael en train de se remettre la mèche. C'est comme ça, sa mèche virtuelle. C'est fantastique pour lui, savoir que maintenant, il peut faire tout qu'il désire sans s'oublier la permission des parents. Kevin commence à regarder doux films en DVD. Manger la seule de nourriture insalubre. Mais bientôt, la fête de Kevin va arriver à la fin. Vous vous rappelez certainement des deux bandits de la veille? Les lendemains, nous découvrons qu'ils ont l'intention de pénétrer à la maison la semaine même. Pas des soucis. Le sort veut que Kevin va être présent là et la brillant plan des deux devient bientôt trouble. C'est tous les doubleurs, tu sais, des explorateurs qui emmènent Tintin dans les montagnes. Pas des soucis, monsieur Tintin. Qui aimait vous guider en haut de la sommet. Tu faisais de Chang, là, tu faisais mal. Il comprend donc qu'il est prêt de tout faire pour défendre sa maison. Pendant quelques heures, il prépare un champ de bataille plein avec de divers obstacles, dangers, difficultés pour faire les plus dégâts des criminels. Heureusement, ils n'ont pas beaucoup des cerveaux et la stupidité qui contrôle à chaque pas d'eux transforme les guet-apens de Kevin en une grande réussite. Les voleurs sont arrêtés et la paix revient d'installer en ce quartier 5 étoiles. Mais... Faisons un peu une pause là parce que. Moi je me demande, j'aimerais bien avoir l'histoire derrière ces commentaires. Quoi. Qui a écrit ce truc là quoi. Ouais, j'aimerais bien savoir aussi. On pourrait inviter fan de coach un de ces quatre. Hein. Ouais, j'ai peur que ce soit complexe. Tu nous as mis l'étrange Noël de Monsieur Jack là en musique. Non, non, c'est là, c'est là-haut. Mais t'es sûr, en fait t'as pas vu le film, Greg. C'est la musique du générique, hein, de non, début. Mais ouais, bah ça va. Non mais j'ai rien qu'on se concentre, le gars il a fait 9 thèmes quoi. Non mais de toute façon cet homme est brillant, hein. On va pas le nier. Hein. Qui c'est la fan de coach. Brillant, voilà, c'était notre avis sur ce film et celui des autres. C'était un épisode spécial fête de fin d'année. Oui. À l'approche de la fin sylvestre. De la fin sylvestre. Et on vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année. Bonne fête de la nativité à tous. Et on se. Je le vois l'année prochaine. Hein, on vous offre cette magnifique bande son. Oui, peut-être juste informer qu'il n'y aura pas de diffusion de 2 heures de perdu entre Noël et Nouvelle et la Saint-Sylvestre. Entre Noël. Oh, c'est une très triste. C'est une bien triste nouvelle, Michael. Bah oui, on a droit à prendre des vacances, merde. Ouais, putain, c'est toi qui fais le sale boulot en plus. Quoi. Tout ça pour partir à Dijon, franchement. Bah, tous mes fans de Dijon, vous pouvez me retrouver pendant mais les semaines. C'est mes amis, mais dis bon mot, quoi. Tu seras la jam au 31 ou pas? Ah, moi aussi, je vais faire des blagues de Dijonais. Trop peur, vos chien noir, cousin. La jam, stripou. Bon, bah voilà, hein, à l'année prochaine. Hein. Allez, à l'année prochaine. Joyeux Noël, là. Joyeux Noël.